informer, divertir, distraire et éduquer. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Bonsoir à tous les amateurs de musique progressive. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit. Et c'est une émission réalisée par Bruno Côté avec Bruno à la mise en onde et Jean-François à l'animation. Et c'est la dernière émission Terra Incognita de l'année et on peut dire que ça a été une année riche en musique progressive avec, comme d'habitude, un très beau festival de musique progressive, la convention Terra Incognita, mais aussi des spectacles assez intéressants. Et d'ailleurs, il y a deux semaines, j'étais au spectacle d'Adrian Belew et honnêtement, je ne pensais pas aimer ça autant que ça. J'ai vraiment aimé ce spectacle-là. Adrian Belew est un performeur naturel et ça a été un vrai plaisir de le voir s'amuser avec sa guitare. Ça a été vraiment pas une découverte parce que on le connaît depuis l'époque des Talking Heads dans les années 70 et en introduction, on disait même que Adrian Belew avait joué sur un paquet de disques et on commençait à nommer ça et c'est vraiment extraordinaire le nombre de productions auxquelles ce monsieur-là a participé. Donc c'est un grand nom de la musique progressive qui nous a visité encore une fois. Et l'année 2015 sera aussi riche. On a déjà annoncé la venue d'Anecdoten, un groupe suédois qui m'a honnêtement raccroché à la musique progressive des années 90 alors que avec la venue du CD, ça devenait possible à des groupes indépendants de se produire sur disque et de commercialiser ces albums. Et Anecdoten m'a vraiment impressionné à cette époque-là. Et Vemod, j'écoutais en boucle et je ne l'ai pas redécouvert parce qu'il ne m'a jamais quitté depuis ce temps-là, mais donc je l'ai écouté dans ma voiture dernièrement parce que la période des fêtes est propice au déplacement. Et c'est un disque qui demeure extraordinaire et on aura l'occasion d'entendre des extraits probablement de ce disque-là lors de la convention Terra Incognita 2015. Mais en attendant, on va écouter Crystal Palace. Crystal Palace qui comprend aussi des membres de RPWL. Un groupe, encore une fois, que je redécouvre, que j'écoute beaucoup dans les derniers temps. Il s'agit de rencontrer des amis qui nous parlent de ça et on ressort les disques puis on n'est plus capable de s'empêcher. On passe d'un à l'autre et tous les albums sont bons et on se remémore les magnifiques spectacles qui ont eu lieu à la convention l'an dernier. Et ce sera suivi d'un autre très bon groupe qui m'avait épaté au Nirfest, c'est-à-dire Gösta Berling Saga. Donc on débute avec Crystal Palace avec System of Heaven, qu'on retrouve aussi sur la compilation Progressive 75. Et on va entendre la pièce Beautiful Nightmare. Et Gösta Berling Saga va entendre un extrait de Glue Works qui s'appelle Island Tree. Crying aloud

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bière bouteille, 8 bières en fût, 10 bières bouteilles, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 17 décembre au 11 janvier, le Cercle des auteurs de la Relève de Québec occupe la galerie de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste avec l'exposition littéraire Fragments. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Ne change rien. Ne change rien. Ground control to Major Tom. Et nous sommes de retour après un premier bloc de deux pièces. Et pendant que la musique jouait, ben, on a un nouvel arrivant, c'est-à-dire Michel. Salut Michel. Bonsoir. Bienvenue. Ben oui, Michel qui est arrivé comme ça, là, à brûle pour point. Là. En fait, on s'est parlé cet après-midi puis tu ne m'as pas dit que tu serais à l'émission. Tu m'as dit d'ailleurs que tu ne savais même pas toi-même. Non, je n'étais pas au courant. Je ne m'étais pas informé moi-même, là, mais c'est un... comme ça. Ça me tentait à un moment donné, je me suis dit, tiens, on va y aller. Ben oui, puis finalement, l'équipe est presque au complet. Il manque seulement Marc. Et bon, mais c'était un premier bloc qui s'est terminé avec Gösta Berling Saga. Un groupe quand même important qui n'a pas sorti d'album depuis un bon bout de temps. Et on avait débuté avec Crystal Palace. Je disais que ça me rappelait un peu RPWL. Et on me demandait dernièrement, penses-tu que RPWL va revenir? Ben... mon Dieu, écoute. Moi, j'aimerais ça. Je ne sais pas si ça va se faire parce que c'est quand même... Tu sais, ça a l'air de rien chaque fois, mais quand un groupe vient ici, c'est parce que c'est pas simple. C'est jamais simple. Parce que c'est le seul concert qu'ils font. Et ils traversent juste pour ça. C'est que là, c'est comme... Tu sais, on essaie d'arranger nos flûtes puis de mettre les meilleures conditions possibles, mais c'est pas... En tout cas. Et moi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça, c'est sûr. Je pense que je suis pas le seul. Mais, disons, pour la convention Terra Incognita 2015, il faut dire qu'on ne pâtira pas de RPWL ou de n'importe qui, parce qu'on, comme je disais, on va avoir Annick Dutton et Kaipa d'Acapo, comme tu le mentionnais dernièrement. Oui. Écoute, il n'y a rien. On n'a rien à envier aux autres années, là, c'est clair. Mais c'est juste pour quand que tu me poses cette question-là, RPWL. C'est évident que si c'est possible, ça va se faire. Ben, tu sais, moi, c'est regarde, comme Kaipa d'Acapo, ils ont présenté, je pense, sauf erreur, deux ou trois concerts en Suède. C'est tout ce qu'ils ont fait, là. Il n'y a rien d'autre, là. Et puis, sauf erreur, il n'y a rien d'annoncé encore nulle part. Et c'est vraiment comme un coup de chance. J'ai discuté avec Ron Stoll, puis finalement, ben, l'idée a fait son chemin, et puis mais ça a pris comme peut-être 5-6 semaines là, de discussion, puis de « ouais, bien, si on fait ça de même, OK, oui, puis bon. » C'est jamais simple, mais bon, moi, c'est comme je me plais à le dire des fois, c'est un petit miracle à chaque année, là. Et puis, mais cette année, le petit miracle, c'est Annick Dutton, qui n'était pas venu depuis 16 ans, et puis... Kaipa d'Acapo, ben ça, écoute, je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit d'aussi loin que Vancouver et qui m'ont demandé de confirmer si c'était vrai. Et puis, ben c'est vrai. Donc, c'est ça, le 17 mai, ben ça va être la réincarnation de Kaipa des années 70. Je pense qu'on peut appeler ça de même, là, avec Ryan Stout et deux autres membres originaux, le batteur et le bassiste. Thomas Eriksson et Ingmar Bergman, pareil comme le cinéaste. Non. Non? Pas tout à fait. Il y a un E. Ah! C'est Ingmar. Oui. Et le cinéaste, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Bon. C'est... La nuance est là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Hein. C'est comme le cinéaste. Ben, lui, c'est Ingmar et l'autre, c'est Ingmar. OK. Bon, c'est une nuance qui m'avait échappé. Et donc, ce sera une belle année sous le signe de la Suède. Ben oui, c'est vrai. J'aime. Mais ça, c'est le... encore une fois, c'est le hasard. Et le premier Kaipa est tellement bon. D'ailleurs, on va en mettre la semaine prochaine. Alors moi, écoute, j'ai réécouté les disques parce que... c'est ça. C'est comment que c'est, je veux dire. On écoute, puis à un moment donné, ben là, on est rendu ailleurs, puis on est rendu ailleurs, puis on est rendu ailleurs. Puis quand tu reviens en arrière, ben moi, j'ai eu la surprise de, en réécoutant ça. Je me suis dit, waouh, je me rappelais pas que c'était aussi bon que ça. Mm-hmm. Belle surprise. Puis bon, je peux comprendre un peu pourquoi M. Stolt voulait revisiter tout ce répertoire-là, dans le fond, que personne. Parce que le Kaipa qu'on connaît aujourd'hui, qui fonctionne, ne présente aucun concert. Jamais. Je le sais parce que je les ai contactés. C'est un groupe de studio unique. C'est un groupe de studio. Donc, et puis je pense que Ryan Stolt ne voulait pas toucher au répertoire. Plus récent, même s'il a contribué quand même à quelques disques là, au début. Oui, effectivement. Mais il y a... Oups, c'était pas son... Évidemment, il peut pas faire abstraction du fait que bon, il est pas là, présentement. Mais par contre, Kaipa, des années 70, il était vraiment là. Et puis, j'ai vu quelques clips là, des concerts qui ont été présentés en Suède. Et puis, ben, on voit que, écoute, M. Stolt a la porte du lion. Là. La guitare est très, très, très présente. Ceux qui aiment Stolt là, pour la guitare vont être comblés là, parce que c'est vraiment lui. Là. C'est lui l'épine dorsale là, du show. J'ai vu un clip, effectivement, c'était assez touchant, le son de la guitare. Là. Ah oui, moi, écoute, quand on a fini par s'entendre, je veux te dire, j'avais des... Les frissons et le poil qui se dressaient, ben je me disais, ça se peut pas, on va avoir ça. Donc, c'est une occasion à ne pas manquer pour ne pas avoir de regrets. Oui, exact. Et pour l'instant, ben, on va y aller avec un petit bloc qui va comprendre le groupe de Montréal qu'on prononce House, qui s'écrit H-U-I-S, mais qu'on prononce House. C'est peut-être parce que c'est de l'allemand ou... ça serait du néerlandais. C'est ça. Ouais. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire porte. C'est pareil comme oui en français. Là. Et c'est extrait de leur seul album. On va entendre Beyond the Amstel. Et Bruno a choisi Ben Craven pour poursuivre. Moi, je connais pas Ben Craven. C'est un artiste australien qui a... Écoute, le nombre de disques qu'il a fait, je pense que c'est au moins deux, là, sauf erreur. Un guitariste acoustique, oui, électrique aussi. J'en sais vite de même, là, je ne pourrais pas t'en parler beaucoup plus que ça, sauf que j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Là, probablement que si je regarde la feuille de route de Bruno... c'est sûr... Nous, OK, oui, c'est ça. Ça va être bon. Donc, c'est l'album... mon Dieu, j'ai de la misère là. Guest and Terrible. Et ça se terminera par le groupe mexicain Cast. Donc, on débute avec House. Thank you. skies seem merging to an endless thank you. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Au nom de Pascal de l'instant impérial de la blonde Billon. Au nom de Bastien de Jacob de Thierry de la rousse fort aux fruits. Allez, tous ensemble! Au nom d'Annick, d'Isabelle, de Sonia et de la IPA. Au nom d'Éric, Sophie, Dominique et de tous nos produits. La Barberie vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Que vous aimiez l'ambré au piment ou la brasse camarade. Mes chers amis, n'oubliez jamais que la bulle ne fait pas le moine. Oh non, la bulle ne fait pas le moine. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. La Ninkasi, ton bureau, ton salon, ta salle d'études. 811 Saint-Jean, Wi-Fi gratuit sans obligation de consommer. Pour les assoiffés d'après-midi, les pintes sont à 3,25 $ avant 16 heures. De plus, le café espresso éthiopien est surprenant. Si t'as faim, leur assiette panini est seulement 6,75 $, le plus populaire étant le panini serre chipotle. La Ninkasi, la meilleure place pour squatter Internet, 811 rue Saint-Jean. 89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Eh oui, on a failli se faire prendre parce qu'on est en train de faire des petits changements au programme. Là. Pas du tout. C'est parce qu'on est en train de massacrer l'émission de Bruno. Là. C'est de ma faute. Ben oui, Michel voulait mettre du capo, mais c'est pas nécessairement un problème. Hein. Ben, Bruno m'a dit oui, je le veux. Et c'était beau à voir, franchement. Là, Bruno et Michel qui en sont quasiment venus au coup. Là. Non. C'était une poignée de main vigoureuse. Ah, mais d'ici du studio, ça n'a pas l'air de ça, mais disons qu'on va vous laisser le bénéfice du tout. Et ben moi, dans ce deuxième bloc, j'ai fait une très belle découverte, Ben Craven. Là, j'ai vraiment aimé ça. Là. Donc, merci à Bruno de m'avoir fait découvrir cette pièce-là. Regarde, c'est un sans-cœur, il ne te regarde même pas. Ben oui, c'est ça, il est en grande conversation avec Jacques Dulac. Ben, c'est ça. Et puis, ben il y avait Cast. Ben, Cast, finalement, on a fait juste débuter parce qu'on a peut-être manqué un peu de discipline, puis on est parti dans des élucubulations. Moi, c'est plus Bruno parce que nous, on n'est pas responsable de l'émission ce soir. Non, effectivement, c'est lui le réalisateur. Ouais, c'est lui. On se détache de toute responsabilité. C'était des Mexicains quand même. Effectivement. Cast. Ben oui. Qu'on a eu le plaisir de voir, mon Dieu, il y a bien des années, là, au Dauteuil. Effectivement, en 97. Oh, mon Dieu. Okay. Ben, ça nous rajeunit pas, ça? Ben, non, écoute. 97, hein, mais c'était bon en plus. C'était, oui, c'était bon. Ils étaient sympathiques, ces gens-là. Là. Ben oui. Ah, moi, j'avais adoré ça. Beau souvenir. Effectivement. Cast. Puis là, je ne sais pas, c'est leur combientième. J'ai arrêté de compter. Ils en ont fait tellement. Là. Oh, ils doivent bien être rendus à 20. Là. Non, moi, facile. J'en ai plusieurs, puis je ne les ai pas tous. Puis, on avait donné le coup d'envoi avec House. Effectivement, bon groupe de Montréal. Y a un disque qui est quasiment terminé, je pense. Michel Jonca m'a écrit, je pense que c'est sur le point ou pas loin. Là. Bon, c'est des belles nouvelles, ça. Ça s'en vient. Puis là, ben, on va continuer la musique. Ça, c'est ce que j'arrachais à Bruno. Caïpa, de l'album Solo. Qui leur troisième. Leur troisième. C'est peut-être pas le meilleur. Mais... Ben, moi, le premier, je trouve qu'il est vraiment supérieur aux autres. Oui, ouais, ça c'est effectivement, le premier, là, c'est comme deux, trois coches. Là. Quoi qu'on... Dans les critiques, on voit souvent placer le deuxième. Là. Rien de nouveau sous le soleil. Là. Souvent, on le voit même supérieur au premier. Mais moi, en ce qui me concerne, j'aime la fraîcheur du premier là, avec l'orgue et la voix là, de Hans Sundin. Et puis, comme on en parlait tantôt, à cette époque-là, M. Stout avait, je pense... Il est arrivé dans le groupe, il avait 17 ans, puis on pense qu'il devait avoir à peu près 18 quand il a enregistré le premier disque de Kaipa. Effectivement. Et puis tu vois que c'est déjà comme bourré de talent, ce monsieur-là. Et ça devait être beau à l'époque. Là. Pour moi, il est arrivé dans le groupe, tout le monde, tous les autres ont dû se dire « Wow, on a toute une recrue. » là. Et puis ça s'est confirmé avec les années, évidemment. Oui. Et d'ailleurs, les photos qu'on voit à l'intérieur des rééditions de Muséa montrent que le monsieur était effectivement très jeune. Bon, d'accord. On en parle. C'est que vous allez écouter Kaipa, parce que c'est ce qu'on va entendre le 17 mai au Centre d'art de la Chapelle. Ron Stout va nous présenter le concert sous le nom de Kaipa d'Acapo. Donc, c'est un extrait de solo. Le temps de vous rappeler que vous écoutez CKRL. Et que c'est Terra Incognita jusqu'à minuit avec Bruno, Michel et Jean-François. Bruno, tu t'es trompé. C'est la 10. Merci beaucoup. Je pense qu'il m'en veut, là. We'll be right back. I am my and yet I am legion. I will speak and will be heard, for I am mine. Are we but chose himself. Présenté par La Barberie. Pour une troisième année, la Ligue québécoise L'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 18 janvier 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise L'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Moi, je pense qu'on a déjà annoncé plusieurs fois la fin de la radio, notamment avec l'arrivée de la télévision. Bon, eh ben, elle est retombée sur ses pattes remarquablement. Peut-être qu'ils avaient oublié c'était quoi la radio, est un documentaire radiophonique proposant des réflexions sur le médium historique qu'est la radio. La radio se réinvente, d'ailleurs on le voit maintenant avec les projets comme Arte Radio, Silence Radio, etc. Mais il y a plein de gens qui ont grandi avec ça et maintenant qui font de la radio aujourd'hui, donc il y a une nouvelle génération qui arrive. Lors de mon passage en Europe, j'ai rencontré différentes personnalités, j'ai recueilli leurs réflexions. Il en ressort un manifeste important qui vise à redynamiser la vie radiophonique d'ici. Je m'appelle Marie-Laurence Rancourt et je vous invite à écouter le documentaire Radio, peut-être ils avaient oublié c'était quoi la radio, dès 13h le 2 janvier prochain. Informer, divertir, distraire et éduquer. C'est KRL. Bon, on est de retour et Bruno nous a demandé d'être bref parce qu'on était en train de tout massacrer son émission. Oui, moi, je voudrais prendre une partie du blâme. Là, c'est pas de la faute à Bruno s'il y a des petits problèmes de mix. Là, c'est de notre faute, on l'a distrait. Et on a terminé ce troisième bloc avec Glass Hammer et ensuite, en fait, précédemment, c'était Little Atlas. On avait débuté avec Kaipa. Un groupe de Miami. L'étude de la classe. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est... non, mais parce qu'un groupe prog de Miami, il n'y en a pas une tonne. Là. Ben, ça fait drôle un peu, mais je pense qu'ils réussissent quand même assez bien. Ben, c'est une belle place pour de la musique. Hein? Ben, je pense que oui. Oui. Hein? Et c'est mieux que des gros flocons comme on voit là présentement là, de notre studio. Et là-dessus, on retourne en Suède avec Twin Age. Un beau souvenir. Hein? Twin Age qui nous avait surpris beaucoup dans les années 90 avec un album qui s'appelait Mount of the Years. Et comme je disais tantôt, la production n'est pas tout à fait là. Ils vont se rattraper avec le deuxième, mais en même temps, on dirait qu'ils ont perdu un petit peu de la magie, ce qui ne fait pas dire que l'Yalim Eye n'est pas... Et, non, c'est moi, j'adore ce disque-là aussi. Mais le premier, je sais pas si c'est à cause qu'on l'a découvert à ce moment-là, le groupe, là, mais moi, j'ai toujours... c'est mon disque préféré encore là, de Twin Age. Et ensuite, ce sera Nick Turner qui a sorti un beau disque aussi qui nous a surpris, là, Space Gypsy. Ah, moi, je suis un fan fini. Là. Je pense si j'ai pas écouté ce disque-là 200 fois, je l'ai pas écouté une fois. Et c'est un monsieur qui a fait partie de... Hawkwind. Ben oui. Et c'est dans le son, Hawkwind. Oh, oh, oui, très, très, très. Et on terminera avec Idria Space Folk, un groupe que moi et Bruno apprécions beaucoup et qu'on a eu l'occasion de voir au Nirfis. Ben, on l'a vu, ce groupe-là. Là. On a même croisé des membres. Je ne sais pas si tu te rappelles. On se ben oui, c'est drôle dehors. Le monde les saluait. Mais... Ben là, je vais arrêter de parler parce que Bruno, il nous a dit quoi dans le début? Là? Bruno nous fait des gros yeux puis il nous dit d'arrêter de babiller. Et, Oui, ah bon, ça c'était Bruno. Nos auditeurs n'ont pas l'occasion d'entendre souvent, mais bon, on va dire que c'est terminé. C'est notre Camerio. Effectivement. Donc, merci au public d'avoir été là. Il nous reste encore presque une demi-heure. Et on reviendra peut-être avec un petit mot de la fin. We'll be right back. seems unreal. I find that nothing is changed. In my eyes they seem so far. The world did I look so strange. Believe in a desert mind. To me you're all in disguise. I search for the hidden name to show me the path of the wise. We'll be right back. Thank you. Et on entend Idria Space Folk présentement de l'album Astronica. Et c'était précédé de Nick Turner. On avait débuté avec Twin Age. Et ben, c'est déjà tout pour notre émission, sauf le reste de cette pièce-là. Merci d'avoir été là. Vous étiez en compagnie de Jean-François, Michel et Bruno. Et Michel qui est à fond. Bon, non, Michel non, qui a retrouvé la voix. Là, c'est parce que j'ai un petit problème. Attends un peu, je vais lever le son de mon... Ah, OK. Bah, OK, c'est mieux. Bah. Puis en plus, il y a Bruno qui nous parle dans les écouteurs. Oui, ça, il s'amuse. Ça, vous pouvez pas l'entendre, vous, là, mais c'est parce qu'il s'amuse pendant qu'on parle, lui, ben, il nous parle dans les oreilles. Tout pour nous distraire, ce jeune homme, il est machiavélique. Eh oui, donc ça a été, je pense, une belle émission. On a eu bien du plaisir, en tout cas, nous autres, à l'animer. Et même si on a joué des tours un petit peu à Bruno, on a changé un petit peu son planning. Mais... c'est le temps des fêtes. C'est le temps des fêtes. Ben, c'est ça. Puis il va y avoir une semaine pour s'en remettre. La semaine prochaine, il va être à nouveau de bonne humeur. Et c'est moi qui réalise l'émission la semaine prochaine. Donc, merci au public d'avoir été là. Et restez à l'écoute. L'autoroute suivra immédiatement après. Bonne semaine à tous. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Les routes enchantées débutent tout de suite après cette courte pause. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromages, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 17 décembre au 11 janvier, le Cercle des auteurs de la Relève de Québec occupe la galerie de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste avec l'exposition littéraire Fragments. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus.